Une catastrophe, par Michel Cordet. Nous étions assis à la terrasse d'un café sur le boulevard. Il était 5 heures d'un soir de printemps. Le ciel, vers le couchant, se colorait de vives teintes rouges inhabituelles. On respirait mal un air trop calme et trop chaud. Mais peut-être n'ai-je retrouvé que plus tard dans ma mémoire ces signes précurseurs. J'étais envahi par une sorte de torpeur, d'agréable accablement. Et c'est alors que je perçus les premiers symptômes du prodige. Je sentis bouger dans ma poche mes clés et mon couteau. D'abord, je crus qu'on me volait. Mais non, personne contre moi. Mon canif et mon trousseau glissaient toujours. On eût dit qu'un fil invisible les sollicitait vers la terre, d'une force continue et croissante. Je voulus les tirer de ma poche. Impossible, on me les arrachait, invinciblement. Ils échappèrent à mes doigts, percèrent les étoffes, s'aplatirent avec violence sur le sol. Vainement encore, je voulus les ramasser. Ils s'incrustaient dans l'asphalte, le pénétraient. Sans doute je rêvais. Je relevai la tête. La même stupéfaction commençait à se peindre sur toutes les faces, parmi des exclamations et des jurons. La terreur gagnait. Toute la terrasse s'était levée en brouhaha. On voyait des passants inquiets s'arrêter, se palper, se baisser, et tous essayant en vain de ramasser les objets les plus hétéroclites. Des binocles, des ciseaux de poche, des limes à ongles, des bourses d'acier, qui restaient obstinément rivés au sol où, peu à peu, ils s'enfonçaient. Puis, toutes les voitures, comme freinées par une puissance magique, stoppèrent. Les chauffeurs essayaient de remettre leur moteur en marche. Ils n'en tiraient rien. Les cochers fouillaient leurs chevaux. Les bandages adhéraient à la chaussée. Et peu à peu, même les roues se frayaient passage, creusaient le pavé de bois, s'enlisaient comme dans du sable mouvant. Des clameurs montaient. Des gens couraient, tête nue, le front au vent, les yeux affolés. Et tout à coup la vérité passa, se répandit en grand souffle sur la foule. On la criait, la bouche distendue. Le fer, l'acier, rentre dans la terre. Oui, la force qui, tapie aux entrailles du globe, agit sur l'aiguille de la boussole. Cette mystérieuse attraction magnétique s'était subitement accrue, multipliée dans des proportions inouïes. Et maintenant, l'aimant prodigieux attirait à lui tout ce qui était fer ou acier à la surface de la terre, forçait le métal, par une sorte de revanche de la matière, à rentrer dans ces profondeurs du sol d'où l'avait extrait la patience des hommes. Des flots pressés, hurlants, bondissants, s'échappaient de toutes les portes, car l'effroyable puissance travaillait l'armature des maisons. Parmi des craquements, des dégringolades de vitres, des détonations sourdes, les poutres métalliques se ployaient, se tordaient, retournaient à la terre, entraînaient avec elles les toits, les planchers, les murailles. Des visions de cauchemar hantaient les yeux. Monuments altiers, modestes bâtisses, toutes les façades se lézardaient, s'ouvraient, s'écroulaient. On eût dit qu'elles luttaient, qu'elles résistaient, avec des efforts d'arrachement, des explosions de colère, des grincements de douleur que nulle oreille n'avait jamais entendus. Et bientôt, elle n'était plus qu'un amas de décombres, d'où montaient des nuages de poussière, tandis que les poutres de fer, poursuivant leur marche irrésistible, s'enfonçaient comme d'énormes serpents dans la terre. D'instinct, on courait vers les places, les jardins publics, les vastes espaces libres. La Concorde, où je me réfugiais, était envahie de foule, comme au jour des meutes. Des nobles palais qui la bordaient, rien ne subsistait plus que des ruines. Le sol lui-même était travaillé sourdement. Parmi les innombrables canalisations souterraines, n'en était-il pas de métalliques? Néanmoins, on se sentait à peu près en sécurité sur ces larges terre-pleins, et, dans chaque groupe pressé, on commentait la catastrophe. La plupart se lamentaient sur ces incalculables ravages. Partout où il faisait jour, la lenteur relative du phénomène avait permis la fuite. Mais sur l'autre face de la terre, il faisait nuit. Que de malheureux, surpris dans leur sommeil, devaient périr, écrasés sous les décombres de leur maison. Et sur la mer, l'implacable aimant attirait à lui l'énorme masse des cuirassés, les machines, les carènes de fer de toutes les vapeurs, les voiliers même ne verraient-ils pas leurs clous arrachés, leurs flancs décousus? D'autres, avec une sorte d'ironie amère dans la voix, remarquaient que le grand rêve pacifiste du désarmement se trouvait instantanément réalisé. Canons, fusils, projectiles, baïonnettes, tourelles blindées, tout avait disparu, absorbé par la terre. Un optimiste observa que le crime était également désarmé. Le poignard tombait des mains des bandits et des violents. Une discussion faillit même s'engager, car un quidam, d'aspect militaire, rétorqua qu'il restait à la page des moyens d'attaque, tandis qu'on n'en avait plus de défense, faute de revolver. Mais comme la blague ne perd jamais ses droits dans une foule parisienne, même au milieu des pires conjonctures, un loustic envisagea les aspects drôlatiques de la catastrophe. Il déclara que les scribes et les écoliers seraient ravis d'être possédés de leurs plumes. Puis, soulignant le désordre de nos costumes dont nous ne nous étions pas avisés dans la panique, il montra le trouble qu'allait apporter dans la toilette l'absence de boutons, agrafes, boucles, épingles à chapeau, baleines de corset. Je dois dire qu'on goûta mal ces essais de plaisanterie. Les préoccupations étaient plus hautes. On évoquait autour de moi la vie suspendue, la civilisation paralysée soudain. Plus de communication, puisque les autos, les trains, les rails, les fils télégraphiques eux-mêmes s'ensevelissaient. Plus de lumière, puisque les puissants dynamos crevant le sol avaient disparu. Plus d'industrie, plus d'agriculture, puisque les machines, les outils, les stocks de charrues retournaient à la terre. Le temps lui-même semblait suspendu, car les ressorts d'acier des montres et des horloges étaient bloqués par la toute-puissante attraction. Sur quoi, ceux qui déplorent le progrès tout en usant firent mine de se réjouir. C'en était fini de cette existence haletante, trépidante. On allait retourner au bon vieux temps, pouvoir vivre selon la nature, simplement, candidement, comme aux premiers âges du monde. Alors un homme au front lourd près de moi prononça « Vous oubliez les barbares ?» Aussitôt je pénétrais, j'épousais sa pensée. Les barbares, les peuplades primitives, celles qui vivaient dans des huttes de feuillage ou de bambou, qui naviguaient dans des pirogues d'écorce, qui s'armaient de flèches et d'épieux, et qui ne connaissaient d'autre métal que les reins. Celles-là n'étaient pas touchées par le désastre. Quelle convoitise notre civilisation impuissante allait éveiller en elle. Et dans le crépuscule, il me sembla déjà voir apparaître les hordes noires, jaunes, rouges, précipitées, dans une soif de revanche et de cupidité, sur notre pauvre race désarmée, privée du merveilleux outil de sa force, le fer. C'était Une catastrophe par Michel Cordet.